Parfait, Eliman. Votre intention est cinématographique, littéraire et politique à la fois, chaque livre doit être un acte d'une épopée contemporaine, où la fin de l'un ouvre la porte au suivant comme un cliffhanger intellectuel. Voici donc une stratégie narrative transversale pour vos 10 livres, conçue non seulement pour les lier, mais pour faire du lecteur un compagnon de route, un citoyen éveillé qui, au fil des pages, comprend que le combat de Sonko est celui de toute une génération africaine en quête de souveraineté. Globe sur la zone méridienne, arc narratif global, de la révolte à la renaissance. Livre. Titre affiné. Fonction narrative. Transition vers le suivant. 1. Le refus, B.R. Ousmane Sonko avant la politique. Origine du héros, l'acte de vérité qui déclenche tout. Mais que faire quand le système vous expulse? Fondez le vôtre. 2. Le pacte, B.R. Naissance, dissolution et résurrection du PASTEF. Création du collectif, le parti comme rempart moral. Un parti ne suffit pas. Il faut un programme de rupture. 3. Les actes, BR, indépendance monétaire, militaire, juridique. Manifeste concret, la souveraineté comme architecture. Mais qui porte ces actes? Une voix. 4. La voix, BR, analyse des discours de Sonko, 2018-2024. Puissance du verbe, comment la parole mobilise. Cette voix parle aussi de la terre, du pain, du riz. 5. Le pain, BR, souveraineté alimentaire, pêche, niébé, riz local. Ancrage matériel, la liberté commence dans l'assiette. Mais qui cultive, pêche, crie dans les rues? Le peuple. 6. Le peuple, BR, femme, jeune, quartier, diaspora. Visage de la révolte, sociologie de la base PASTEF. Ce peuple a été traqué, jugé, diabolisé. 7. Les procès, BR justice instrumentalisée, résistance juridique. Épreuve du feu, comment le système tente d'étouffer. Pourtant, l'idée ne meurt pas. Elle voyage. 8. L'Afrique, BR panafricanisme, Sahel, BRIC, monnaie commune. Ouverture continentale, Sénégal comme microcosme africain. Mais sans éthique, toute politique est vaine. 9. L'éthique, BR soufisme, morale, anticorruption, exemplarité. Fondement spirituel, la politique comme service sacré. Alors, que reste-t-il à construire? L'avenir. 10. L'avenir, BR scénario post-Sonko, relais, héritage. Héritage et transmission, au-delà de l'homme, le projet. Boucle bouclée, le prochain refus est déjà en marche. Symbole de lien technique pour créer l'envie de lire le suivant. Phrase fin de chapitre livre ouvre une question ou une urgence. Mais un discours, aussi puissant soit-il, ne nourrit pas les enfants. Livre 5, Le Pain. Pendant qu'on le jugeait à Dakar, d'autres l'écoutaient à Ouagadougou. Livre 8, L'Afrique. Personnages récurrents, introduisez des figures secondaires, une pêcheuse de Han, un jeune de Pikin, une avocate du collectif, qui réapparaissent dans plusieurs livres, le lecteur les suit comme dans une série. Thème pivot, chaque.